Elle me protesta que son cœur était à moi pour toujours et qu'il ne recevrait jamais d'autres traits que les miens. Les promesses qu'il m'avait faites, me dit-elle, sont un aiguillon de vengeance plutôt qu'un trait d'amour. Je lui demandai si elle était dans le dessein d'accepter l'hôtel et le carrosse. Elle me répondit qu'elle n'en voulait qu'à son argent. La difficulté était d'obtenir l'un sans l'autre. Le lendemain, un laquais sans livrée se procura fort adroitement l'occasion de lui parler sans témoin. Elle lui dit d'attendre sa réponse et elle même apportait aussitôt la lettre de G.M. fils. Nous l'ouvrîmes ensemble. Outre les lieux communs de tendresse, elle contenait le détail des promesses de mon rival. Il ne bornait point sa dépense. Il s'engageait à lui compter 10 000 francs en prenant possession de l'hôtel. Le jour de l'inauguration n'était pas reculé trop loin. Il ne lui en demandait que 2 pour les préparatifs et il lui marquait le nom de la rue et de l'hôtel où il lui promettait de l'attendre l'après-midi du second jour, si elle pouvait se dérober de mes mains. C'était l'unique point sur lequel il la conjurait de le tirer d'inquiétude. Il paraissait sûr de tout le reste, mais il ajoutait que si elle prévoyait de la difficulté à m'échapper, il trouverait le moyen de rendre sa fuite aisée. Nous délibérâmes sur la conduite que Manon avait à tenir. Je fis encore des efforts pour lui ôter cette entreprise de la tête et je lui en représentai tous les dangers. Rien ne fut capable d'ébranler sa résolution. Elle fit une courte réponse à G.M. pour l'assurer qu'elle ne trouverait pas de difficulté à se rendre à Paris le jour marqué et qu'il pouvait l'attendre avec certitude. Manon partit avec Marcel. C'est ainsi que se nommait notre valet. Je le vis partir avec douleur. Je lui dis en l'embrassant, « Manon, ne me trompez-vous point. Me serez-vous fidèle ?» Elle se plaignit tendrement de ma défiance et elle me renouvela tous ses serments. Manon fait savoir à Desgrieux que G.M. l'avait reçue avec une magnificence au-delà de toutes ses idées. Mais elle l'assure de sa fidélité et remet à un autre jour le plaisir de le voir. D'abord, violemment dépité, Desgrieux, avec la complicité de M. de T, qui fait venir G.M. d'urgence pour une prétendue dette de jeu, et avec l'aide de Marcel, le chevalier parvient à rejoindre Manon dans l'appartement de G.M.